J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Comics Discovery. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial. On est en petit comité parce que tout le monde n'a pas pu voir le film. Oui, parce qu'on va vous parler de cinéma. Cette semaine, on va vous parler de Brick Jaune, on va vous parler de Will Arnett, on va vous parler de plein de choses comme ça, puisqu'on va vous parler de... Il n'y a personne qui suit. De Lego Batman. Donc oui, Lego Batman qui est sorti la semaine dernière, qu'on a eu la chance de voir en avant-première mardi au Gaumont Multiplex. Et j'ai eu la chance de le voir avec Faye qui est juste à côté de moi. Oui, salut, bonsoir James, bonsoir l'équipe et bonsoir les auditeurs. Et en plus, Faye va vous parler de séries télé à la place des news. Oui. Une petite rubrique séries télé. Powerless, je vais parler cette semaine. Powerless, exactement. On a un invité récurrent, parce que c'est la troisième fois qu'il vient. C'est vrai, la troisième fois, ouais. C'est Marc, salut Marc, ça va? Ça va et toi? Ça va. Mais il va s'incruster. C'est notre caution Lego, puisque cette personne a tous les sets de l'univers chez lui. D'ailleurs, si vous voulez vous faire du fric, vous pouvez aller le cambrioler. À mon avis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frias. Non, c'est pas vrai, faut pas l'écouter. Hein. Nous vous donnerons l'adresse à la fin de l'émission. Et il y a Juni avec nous, salut Juni. Ce massacre, le pauvre. Vous entendez ou pas? Oui. Ok, vu que le micro marchait pas la dernière fois. Ah, okay. Oui, et bien cette fois, si vous ne l'entendez pas, dites-le nous via les réseaux sociaux. La technique de cette semaine devrait être parfaite, puisque nous avons Tom derrière nous qui est là, qui gère avec toutes ses connaissances techniques. Et on va enchaîner tout de suite. Non, vous êtes chaud, carrément. Oui. Et c'est Faye qui va commencer et qui va nous parler de Powerless. Tout à fait. Donc j'ai testé pour vous la série Powerless avec les deux premiers épisodes qui sont sortis. Donc je vais commencer par vous la présenter brièvement avant de vous donner un peu plus en détail mon avis. Donc en fait cette série est une production donc DC et elle raconte l'histoire d'un groupe de gens qui travaillent pour Wayne Security sous la direction du cousin de Bruce Wayne. Voilà. Et que font ces gens-là? Eh bien, en fait, ils essayent de faire des produits pour protéger les personnes qui n'ont pas de pouvoir, des super-héros. Parce que quand même, les super-héros, les super-méchants, eh bien, c'est bien embêtant, ça détruit tout sur leur passage. Vous voulez vous acheter un café, paf, eh ben, on vous détruit votre cafetier. Enfin, c'est... Votre cafetier. Oui, votre cafetier, excusez-moi. C'est... Bref, on se rend compte que c'est pas très pratique de vivre dans des endroits où il y a des personnes avec des pouvoirs. Et donc la série va suivre le personnage joué par Vanessa Hudgens qui débarque donc dans cette ville pour aller dans l'entreprise. Elle est hyper C'est même pas à Gotham, rêveuse. En fait, c'est à Charm City. Ouais, c'est une ville un peu pourrie, un peu kitsch. Ouais, quoi. Charm City, ouais, je crois. Et donc on la suit qui va nous faire découvrir cette entreprise et différentes personnes qui y travaillent. Donc au niveau du casting, avec elle, on retrouve l'excellent Alan Tudyk que vous avez pu voir dernièrement dans Rogue One puisqu'il faisait le rôle de James. Non, on l'a pas pu le voir, on a pu l'entendre, oui. Surtout. Oui, mais il faisait la motion capture, donc on peut y voir ses gestes. Parce qu'il faisait K2SO dans Rogue One. Voilà, il est aussi connu pour avoir joué dans Firefly, oui, n'est-ce pas? C'est le pilote dans Firefly. Et il était dans l'excellent film, je sais pas si tu te rappelles, Tucker et Dale Fight le Mal. Ah oui, c'est vrai. C'est un film très drôle que je vous conseille. C'est un film qui a une bande-annonce assez pourrie et qui donne pas du tout envie de le voir. Ouais, alors qu'en fait, il est juste excellent. Vraiment, allez-y, foncez. Très bon film, ouais. Et on retrouve également Danny Pudi qui était l'excellent Abed dans Community, une série aussi qu'on vous conseille fortement. Et que vous avez pu voir aussi dans Captain America Winter Soldier. Oui, brièvement. Et on peut l'apercevoir aussi dans Cougarton en arrière-plan. Ah oui, c'est vrai. C'est un rapport avec Community. Bref. Oui. Regardez Community, c'est une des meilleures séries du monde. Bref. Alors, cette série était assez attendue et craint parce que les bandes annonces donnaient pas spécialement envie. Il me semble que Juni, tu m'avais dit que ça te donnait pas très envie. On en avait parlé une fois. Absolument pas. Mais ouais. J'ai trouvé le concept intéressant, mais d'après la bande annonce, en tout cas, ça avait pas l'air d'être exécuté d'une manière qui m'intéressait. Mmh. Et le truc, c'est que c'est pas un concept que j'ai trouvé nécessairement très original, parce que comme j'avais dit aussi, je l'ai trouvé en bande dessinée avant. Mm-hmm. Oui, avec formes, Damage Control sous des formes intéressantes, et j'ai tombé sur un one shot chez Marvel aussi d'un gars qui bossait dans le type de compagnie qui doit nettoyer après les super-héros. Et voilà, c'est ça, c'est Damage Control. Mais je pense que ça doit être plus intéressant que la série, parce que voilà, mon petit avis, donc comme tu l'as très bien dit, le concept est quand même assez original de montrer que les super-héros, c'est quand même un peu des boulets qui, au lieu d'aider les pauvres gens comme nous, leur gâchent un peu la vie. C'était sympa, mais le problème de l'exécution de la série, c'est qu'on a l'impression de voir en fait la série The Office. D'ailleurs, j'avais pas vu la série, mais je suis allée comparer pour vérifier, et c'est bien ça. Donc c'est la vie en entreprise, une entreprise qui est remplie de gens un peu loufoques, tarés. Le patron, donc le cousin de Wayne, est complètement con, faut le dire. Il est quand même assez drôle, je pense que c'est lui le meilleur de la série. Parce que oui, c'est lui qui a fait le plus rire. Non, je sais pas. Moi, j'ai vu le pilote, et je donnerai mon avis après. Oui. Mais... Enfin bref, c'est une série comique qui va vous divertir, mais elle est pas extraordinaire du tout. Le concept des super-héros est vraiment mis très très loin en arrière-plan. Pour vous dire, on se retrouve avec une histoire en entreprise classique. Donc ça peut divertir, mais franchement, je pense pas qu'ils arrivent à faire plusieurs saisons. Je serais même étonnée, au vu des audiences de ça et de la qualité. Ouais, je serais bien étonnée qu'ils arrivent à finir la première saison. Alors c'est moins pire quand même que Riverdale, qui m'avait bien énervée. Parce que voilà, il y a quand même des gags qui fonctionnent, mais ils ne fonctionnent pas tous. Le casting est quand même sympa, comme je le disais. Moi, j'ai beaucoup aimé Alan Tudyk. Bon, pareil, Abed, très bien. Mais la petite Vanessa Hudgens, bon, alors, je suis pas très fan. Bon, vous l'avez vu dans des séries telles que High School Musical. Était dans Sucker Punch également. Elle était dans Machete aussi. Dans Machete, oui. Machete Kills. Elle avait pas fait un autre film. Enfin, je pense au fond. Enfin, c'était un truc pour ado. Et c'est vrai que j'avais un peu peur, mais elle fait bien la fine nunuche qui a des idéaux. Là, elle est pas si mauvaise que ça. Je trouve qu'elle est assez divertissante, assez fraîche. Donc la série, ça se regarde, mais c'est vraiment pas extraordinaire et je m'attends pas à ce que ça dure super longtemps. Mais bon, je vous dirais quand même de tester pour faire votre avis, contrairement à Riverdale, que je déconseille fortement. Pour résumer. Moi, je vais donner vite fait mon avis. Mais j'ai vu que le pilote, donc je pourrais juger que le pilote. Mais c'est tellement cheapos. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est que c'est vraiment super, super, super, super cheap. Les effets spéciaux, c'est pire que Flash, quoi. Et je pensais pas que c'était possible. Johnny, tu voulais dire quelque chose? Personne ne compte parler de Legion cette semaine. Alors, j'ai prévu d'en parler la semaine prochaine. J'attends d'avoir vu plusieurs épisodes. C'est absolument scandaleux ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous regardez pas Orless et vous regardez pas Legion. Mais on l'a regardé. Mais moi, avant de donner mon avis, je préfère voir plusieurs épisodes. Ouais, parce que là, sur un pilote, tu peux pas. Là, si je devais donner mon avis que sur le pilote, je serais assez partagé. Il y a du bon et des choses qui m'ont un peu gêné. On a dit qu'on faisait une série par semaine et du coup, là. Là, je fais dans l'ordre de sortie. Donc, moi, j'étais sur Powerless, donc c'est vraiment cheap. Le casting est bon. Mais le problème, c'est pas, en fait il rame quoi. Le texte est mauvais, c'est pas drôle. J'ai vraiment une blague sur deux qui va fonctionner et encore. Alan Tudyk qu'il en fait des tonnes, mais pas, il essaye quoi, il essaye, on sent qu'ils essayent et c'est un peu pour eux, ça fait plaisir de les voir essayer d'arriver à quelque chose, mais le problème c'est que moi ça m'a pas parlé, c'est tellement pas drôle quoi. Et je la comparais, bon, tu vas pas être d'accord avec moi, avec une autre série. Mais au niveau de l'humour, c'est un peu la même chose avec The Good Place. Tu l'as pas vu en entier, The Good Place, et tu n'as pas vu par rapport à ce qu'ils proposent à la fin. C'est l'humour ABC Family un peu aseptisé comme ça. Surtout que The Good Place c'est ABC, hein, c'est pas NBC. Oui, voilà, ABC. The Good Place c'est ABC, mais The Powerless c'est NBC. Oui, mais tu vois, il y a un humour un peu aseptisé, un peu familial. Je suis pas d'accord. Tu n'as pas vu The Good Place en entier et l'humour n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas comparable du tout. Moi, c'est le ressenti que j'en ai eu sur le pilote. Donc, j'ai trouvé que l'humour était un peu trop aseptisé et un peu trop, friendly pour les familles et tout. C'est le truc que tu vas regarder avec ta maman ou avec ton papa parce que ça parle pas trop de cul et que c'est un peu. Disons que c'est pas avec ça encore que DC va réussir à faire quelque chose. Oui, pour moi, franchement, je pense que je regarderai pas. Pourtant, maître, comment il s'appelle celui qui fait Abed? Danny Pudi. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cet acteur. J'avais adoré Community, j'ai vraiment adoré. Pas qu'on travaille parti, mais c'est un autre débat. Oui. Vous me l'avez bien vendu la série. J'ai pas du tout envie de la voir. Mais c'est pas rien. Franchement, si t'as rien du tout à faire, que tu t'emmerdes, tu mets ça en fond. Mais voilà. Puis même l'idée du cousin, le cousin de Wayne. Mais c'est tellement ridicule. On dirait, en fait, comme il le présente, on dirait le générique de James Bond Junior. C'est un peu le même délire. C'est vrai. Je me pose une question surtout. Oui. C'est lié au reste de l'univers d'ici ou c'est encore alors, c'est oui, parce qu'on parle de Superman, Flash, machin, qui font des trucs. Fois, ils font à un moment, en fait, ils font un truc genre une ligue Fantasy League, mais sur les super-héros. Donc ils vont parier sur Batman, sur plein de trucs. Mais c'est les Batman des films qu'on voit en ce moment, c'est Batfleck. Alors on sait pas trop parce qu'on ne le voit pas, mais ils essaient de s'inscrire dans l'univers. Un personnage qui est au téléphone. Ah, ouais. Bah, il est presque là. Voilà. Ouais, il est presque là. Mais bon, pour en revenir, c'est clair que bientôt on parlera de Légion et je pense que même si le pilote était un peu bizarre, il y aura beaucoup de choses à dire Légion, dessus. Légion, il y a de quoi dire. Ouais. Du coup, bah. Sinon, Walking Dead a repris, voilà. Bah, en série télé, moi, éviter Powerless, c'était vraiment pas génial. Franchement, si t'as rien à faire, tu peux faire ton avis. Dimanche après-midi, vous avez vraiment rien d'autre à foutre. Alors, je suis sûr qu'il y a des trucs mieux à regarder que ça. Aussi. Oui, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ça à regarder. Par exemple, j'ai repris Emerald City, j'avais pas aimé le pilote, mais ça s'améliore beaucoup sur la suite, et du coup, là, je suis un peu plus dedans. Ok, donc, bon, voilà. C'était les conseils série télé. C'est les conseils série télé, je regarde si. Est-ce qu'on va faire une petite pause musicale avant de. Maintenant, avant de commencer la critique, ouais. Comme ça pour lancer le thème un peu. D'accord. Et avant la pause musicale, on va lancer le jeu. Comme maintenant, ça sera fait. Ouais. Ouais. En fait, on va vous faire un petit concours parce que comme c'est en partie dans Lego Batman et que cette semaine j'ai acheté, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit live où j'ai ouvert des minifigures Lego et j'ai eu un double. Je pensais en avoir plus. Hein, je suis désolé. Hein. J'ai eu un double. J'essaierai cette semaine d'y retourner en acheter, donc j'aurai peut-être plus de doubles. Et Marc a eu la gentillesse de nous offrir. Merde, comment il s'appelle le boss dans le premier Lord film. Lord Business. Lord Business. Donc et moi j'ai 2-3 doubles qui me restent. Donc on va vous faire une petite pochette avec 2-3 Lego minifigures et pour ça il va falloir répondre à une question que vous nous enverrez par mail. La question c'est qui est l'interprète en VO, donc en version originale du héros dans le premier film, donc qui est donc dans Lego la grande dans aventure. Lego la grande aventure, qui est l'interprète du héros principal de Emmett. Donc par mail. Vous m'envoyez par mail à contact@comicsdiscovery.fr, vous pouvez l'envoyer en MP sur Facebook si vous avez la flemme. On fera un tirage au sort la semaine prochaine et on enverra à la personne qui aura gagné une petite pochette avec 2-3 trucs Lego, voilà. Et on va enchaîner avec la première pause musicale et donc c'est la musique de Batman tirée du film. C'est cool. Yeah. Cette musique donne trop la pêche. Et donc c'était la musique de Batman. C'est quoi le titre en fait? C'est juste Batman ou c'est... Who's the Batman? Who's the Bat, oui. Avec Man entre parenthèses. Et donc la petite déception, c'est que c'est pas Will Arnett donc, qui incarne Batman dans la VO qui chante là. C'est sûr ça? Oui, c'est sûr, ouais. C'est Alan, je sais plus comment. Et cette chanson est géniale. Mais toutes les chansons. Sans petit spoil, il y a plusieurs chansons dans le film et toutes les chansons sont assez cool. D'ailleurs, à la deuxième pause musicale, ce sera la chanson de fin qui est encore plus cool. Donc voilà, on voulait vous parler de Lego Batman qui est sorti la semaine dernière. Pour les gens qui voudraient notre avis un peu plus, pas détaillé parce qu'on va peut-être en parler un peu plus, mais un avis rapide avec Faye, on a sorti une vidéo qui parle du film justement. Donc voilà, allez sur l'Amical du Geek, vous retrouverez notre vidéo. Et c'est Faye qui va lead le débat. Ah bon? Bah c'est toi qui as pris des notes. Non? Non, je t'ai juste dit comment tu procédais, moi je débat. Ah ok. Bon, bah, je sais pas. Bon, c'est ton boulot, ouais, c'est pas le mien. Parce que je me souviens plus de comment tu... Je suis désolé. Mon dieu, ces hommes alors. Je te laisse le... Eh bien mon cher James, je propose que nous fassions un rapide tour de table pour avoir un avis synthétisé. Ah, mais je pensais que t'avais noté la réelle, tout ça. Ah de quoi la réelle? Non, j'ai pas noté du tout moi. C'est ton boulot et je te dis, t'as fait le truc. Moi je suis arrivé les mains vides cette semaine. Je sais pas du tout qui est à la réelle. Eh bien je vais vérifier ça de suite en direct. Pendant ce temps-là, on va faire un petit tour de table. On va commencer par notre invité. Donc comment tu as trouvé ce film? Question d'abord. Spoil ou pas spoil? Pas spoil. Alors pas spoil parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont pas vu. Qui peuvent ouvrir leur autoradio en plein milieu de l'autoroute en se disant tant mieux pour eux. Tu vas provoquer des accidents. Oui voilà. Oh mais putain, il est en train de spoiler. Non. Bah, et bien en fait c'était Charlie le meurtrier. Pas de spoil. Du coup il y a pas grand chose à spoiler. Enfin, non, c'est assez convenu quand même dans l'ensemble. Ouais. Donc vas-y. Alors, ton avis rapide en 2-3 phrases. Ben j'ai beaucoup aimé. Plus que la grande aventure Lego. Je l'ai vu donc hier soir dans une salle presque vide. Ah ouais? Ouais, il y avait très peu de monde et j'ai... Tout le monde va avoir 51 degrés. Ouais. Malheureusement. Et j'ai beaucoup rigolé. Beaucoup de bonnes blagues. Je l'ai vu en VO, bien sûr. Beaucoup de très bonnes blagues, des jeux de mots à tout va. Ouais. J'aime beaucoup l'animation. Mais c'est la même animation que... Je crois que c'est même un chouïa au-dessus au niveau de l'animation. Peut-être, ouais. Des fois, t'as le petit bruit des briques qui s'enclenchent les unes dans les autres. Et ça, quand tu construis, c'est assez agréable. Même quand ils marchent, tu les entends. Ouais. Mais ça y était pas dans La Grande Aventure Lego. Si, ça y était déjà dans La Grande Aventure. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont poussé un peu, c'est vrai. Ouais. Quand ils tirent au pistolet... Mais ils font exactement. C'est super cool. Très, très, très drôle. Et après, dans l'ensemble, c'est une très bonne aventure de Batman pour moi. Ouais. Enfin, c'est... Pff, ouais, non. Laisse parler le monsieur, s'il te plaît. Ouais, qui, pour moi, réussit plus de choses que les films animés dans la relation entre les personnages. Mais c'est mon opinion, t'as pas l'air d'accord. Ouais, bon, j'en parlerai après. Et vas-y, continue. Non, voilà, je le conseille vivement. Très bon film, très bonne détente. Johnny? Eh ben, j'ai salement kiffé ma race. Pour dire ça poliment. Ouais, non, franchement, c'était génial. J'ai aimé quasiment autant que le premier Lego. Et après, oui, le niveau animation, il y a des moments où tu vois, au tout début, il y a des moments où tu vois extrêmement bien au niveau de l'animation, ce qu'on appelle en anglais les smears. C'est quand il y a certains dessins animés en 2D, principalement quand on fait un arrêt sur image, on voit parfois que le bras ou la tête du personnage en plein mouvement est déformé. Et c'est un truc que j'avais pas vu en 3D, ou alors peut-être que c'est passé et que j'avais pas fait attention. Mais en tout cas, ça se voit extrêmement bien et ça donne un super dynamisme au personnage quand il se déplace. C'est extraordinaire. Et après, oui, les personnages sont vachement bien écrits. Chacun d'entre eux est une énorme caricature qui fonctionne étrangement bien d'ailleurs. Et l'univers est super riche, alors que pourtant il est limité à quoi? Deux éléments, deux décors, on va dire, iconiques de l'univers d'ici. Et tous les personnages sont visuellement magnifiques, les décors, la photographie, les couleurs dans les décors, c'est un truc de fou. Et il y a beaucoup de travail. Hein. Ah ouais, non, c'est franchement extraordinaire. Et je suis pas étonné d'avoir autant aimé parce que le réalisateur de celui-là, c'est celui qui a fait, il a fait le montage du premier Lego. Et donc il y a vraiment une continuité entre les deux. Le réalisateur, c'est Chris Mackey. Ok. Voilà. Donc franchement, j'ai adoré. Faye, vas-y, donne-moi. Ouais, ben j'ai beaucoup aimé parce que c'est, pour moi c'est une excellente parodie et ça fait bien longtemps que j'en avais pas vu des très bonnes. Et j'ai vraiment plus préféré que Lego La Grande Aventure que je n'ai pas aimé. Et voilà, c'était rythmé, c'était très drôle. Au niveau de l'animation, ouais, les couleurs, il y a vraiment un beau boulot dessus. Par contre, des fois, il y avait certaines scènes, je trouvais que c'était un peu saccadé par moments, mais c'est vraiment sur de très très courts moments. Et puis voilà, les musiques très bien, le doublage très bien. Donc, super. Alors je vais passer à mon avis. Moi je pense qu'il y avait le truc qui manquait à Lego La Grande Aventure. À le gros Batman. Il pensait, il manquait de l'humour méta. Et là c'était si t'en voulais, t'étais servi. Hein. Ouais, enfin après moi, j'ai kiffé énormément. Parce que vraiment je me demande si vraiment un mec qui connaît rien à Batman, ça va pas le faire chier d'avoir autant de d'humour sur l'univers de Batman avec les pochettes qui reviennent et tout. C'était tellement génial. C'était du porn méta pratiquement. Tellement il y en avait. Il y a des moments où c'est le début. C'est tellement ça, avec plein de trucs qui t'en envoient plein la gueule. Ils ont tellement compris l'univers de Batman et compris les personnages et ils les ressortent. J'ai eu l'impression que c'était pas un film Batman, que c'était un père et son gosse qui se racontent eux-mêmes une histoire de Batman, et avec le père fan de Batman, donc il ressort ses références. Et le petit gamin, le truc typique, c'est quand il tire et qu'ils font piou piou piou, ça fait trop un petit gamin qui raconte une histoire. Le fait que ça soit pas vraiment, enfin, moi j'ai pas eu l'impression de voir un film de Batman. Le personnage de Batman, c'est pas le Batman que je connais. Il est pas comme ça. Enfin, moi je le vois pas comme ça en tout cas. Robin, je le vois pas comme ça non plus. Mais c'était cool. Je pense que ce que j'ai dit dans la vidéo, je pense que ce sera un des meilleurs films de super-héros de cette année. Même un des films les plus kiffants de cette année. Certes, c'est assez le scénario vole pas très haut. Il raconte pas grand chose et je pense qu'on l'aura oublié dans un an ou deux. Mais c'est un film où vous allez passer vraiment un super moment. Ils sont super généreux. Le mot généreux correspond vraiment bien au film. C'est un film super super généreux qui vous en envoie plein la gueule. Et c'était super beau, c'était génial. Voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit sur mon avis sur le film, et on va passer au scénario. Au scénario, enfin ouais, l'histoire un peu plus, pour rentrer un peu plus en détail dans tout ce qu'on a vu. Du coup, tu peux commencer. Tu veux que je pitch petit peu vite fait? Ouais, vas-y. Alors en fait, donc dans le film, on a notre ami Batman qui est génial, qui est le super héros, qui sauve tout le temps tous les méchants et tout. Enfin, c'est génial. Et qui sauve les méchants. Ouais, qui détruit les méchants. Et du coup, ils sont pas très contents, ils dépriment. Enfin, surtout le Joker, parce que voilà, il se passe des choses. Et de son côté, Batman, il déprime aussi parce qu'il est tout seul. Et puis on a Barbara Gordon qui arrive dans la ville, qui a l'air de dire que Batman fait pas un super boulot, donc ça va pas très très bien pour lui. Et il se retrouve à devoir en plus élever un orphelin, le petit Dick. Le petit Dick Grayson, ouais, qui est tout mimi. Et donc voilà, en gros, pour pas spoiler, ce qu'on peut dire, je pense, sur le film. Ouais. Est-ce que tu as un avis peut-être sur le scénario, vite fait? Ouais. Alors, comme on le disait, sur le scénario, c'est une histoire qui est très simple. Vous allez deviner au bout de quelques temps ce qui va se passer, mais on prend quand même du plaisir, justement, parce qu'il y a, comme je disais, c'est une bonne parodie. On a les codes de Batman, de son univers, qui sont repris, qui sont digérés, et on se sert du bon et du mauvais de cet univers là pour le détourner et grossir les traits du personnage et rendre ça super drôle. En plus, voilà, quand on aime la pop culture, les blagues méta, comme tu disais, il y a plein de références. Il y a vraiment ce côté, je casse le quatrième mur et j'ai un regard autocritique sur moi-même qui est quand même vachement cool. Oui, en fait, je pense que le scénario, c'est vraiment un film pour enfants qui parle à des adultes aussi. C'est ça qui est bien. Ils ont réussi à faire un truc simple qui reste quand même un truc pour enfants. C'est simpliste et tout. Ça va pas être du Nolan ou un truc comme ça. Et un gamin de 5 ans va pouvoir aimer et va pouvoir. Un film de qualité pour les enfants. Et ça reste vraiment de qualité. Ouais. Et puis c'est pas vulgaire et tout. C'est vraiment c'est vraiment la parodie au sens noble du truc. Quoi. Contrairement à plein de films pour gosses où clairement tu vas te faire chier Hotel Transylvanie ou ce genre de truc qui est vraiment trop enfantin. Là, et c'est vraiment un film pour enfants, mais qui arrive à parler aux adultes. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait définir le scénario. Parce qu'ils ont compris que sur Lego, il y avait des enfants, mais il y avait pas mal de collectionneurs, de fans de la licence, des choses comme ça qui étaient intéressés. Donc ils se sont dit, quand même, on va pas faire un truc qui s'adresse qu'à une tranche d'âge. On a plusieurs cibles, autant en profiter. Après, c'est vrai que le film fait quand même moins racoleur niveau publicitaire que Lego La Grande Aventure. Bah, le problème, ce qui m'avait gêné. Enfin, ce qui peut-être te gêne dans Lego La Grande Aventure, on est peut-être en train de donner un avis vite fait sur le premier film. En fait, il n'y avait pas de licence clairement posée. donc ils pouvaient utiliser un peu tout ce qu'ils voulaient et ils se sont fait plaisir. Et c'est peut-être pour ça que tu l'as vu comme une grosse pub. Là, il y avait une licence, ils ont utilisé une licence et ils se... Enfin, je sais pas si vous avez un avis sur ce côté racoleur ou pas racoleur. Je dirais pas racoleur, mais on va pas se cacher, Lego ils s'en servent. Ils ont sorti une énorme gamme de boîtes. Hein, oui, bah oui. Et tu retrouves toutes les boîtes dans le film. Et pour les enfants, c'est un moyen de se dire « Ah, regarde, ça je l'ai pas. » Mais pour les adultes, hein, moi, y a plein de trucs qui m'ont fait de l'œil. Ah ouais, bien sûr. Toute la Batcave, le monde de la Batcave, on voit tous les véhicules. Et j'ai envie d'avoir tous les véhicules. Même si et voilà, et le film, mais... il a donc marché sur toi. Oui, bah oui. Ouais, les gars sont pas fous, ils le font exprès. Mais justement, le premier, je l'avais pas trouvé racoleur du tout, parce que contrairement à pas mal de films... Comment dire, les films type Deadpool, par exemple... Il y a une espèce de remontée de ce qu'on appelle le spoof, c'est l'espèce de grosse comédie un peu grasse. La parodie. On va dire, voilà. Et le truc, c'est que Deadpool, ça fait partie de ces films qui sont extrêmement méta, dans le sens où c'est le film qui a conscience, qui fait partie d'une énorme série de films, et il fait des blagues sur le genre en général et les films produits par sa même compagnie. Et Batman a d'ailleurs cet effet-là aussi. Il y a plein de moments où ils font des blagues par rapport au fait qu'il y a des éléments dans le film qu'ils ont mis parce que la compagnie leur a dit de le faire. Parce que ça rapporte des sous. Dans le générique, par exemple, le moment où il dit musique pop. Les exécutifs. Voilà, parce que les exécutifs nous ont dit de le faire. Et le premier Lego, justement, là où c'était génial, c'est que tout le film, il est la représentation parfaite de comment faire un bon type de comédie dans ce style. C'est-à-dire pas juste faire des blagues par rapport au truc que tu fais quand même, pas faire des blagues par rapport aux clichés que tu vas quand même utiliser. Ouais, bien sûr. Parce que là, la grosse différence, c'est que le film Lego, il a du cœur, en fait. Il y a une énorme construction dans la construction de l'univers, dans le choix des différents sets utilisés. Par exemple, le fait que le personnage principal soit un constructeur, c'est pas pris de manière anodine. Il y a toute cette idée. Il y a Faye qui voulait réagir. Il y a toute cette idée du constructeur qui vit dans un endroit, dans un monde bien construit. Chacun suit les ils ont des notices pour construire les bâtiments. Tout le thème du film, c'est utiliser ton imagination, etc. Et mince, il y avait encore un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Enfin bref, c'est pas grave. Moi, je veux dire que je suis pas du tout d'accord avec toi sur Lego la grande aventure. Moi, j'ai vraiment trouvé que l'histoire, elle était poussive et que finalement, ils essayaient de forcer les choses pour faire rentrer un max de licences. Et moi, ça m'a gêné. À chaque fois que je voyais un nouveau personnage arriver, j'entendais une voix dans ma tête qui disait, je sais pas, 10 euros, 50 euros à Auchan. Machin. Je suis pas d'accord avec elle, mais c'est vrai que sur Lego la grande aventure, il y a vraiment un côté pub de 1h30 qu'il n'y a pas trop dans Batman. Moi, même si j'ai adoré Lego la grande aventure, j'ai eu un peu le même ressenti qu'elle où j'ai eu l'impression d'avoir payé pour avoir vu une pub de 1h30. Mais là, après, mais le ça en est une. Bah oui. Mais le truc, c'est que c'est une pub avec du cœur qui justement prend en compte le fait qu'elle est une pub fatalement et qui justement te dit pas juste va juste consommer mon truc. Elle te donne aussi une idée de comment tu pourrais le faire intelligemment. Bah, et toute l'histoire, c'est ça, c'est le fils et le père et comment chacun des deux a une manière totalement différente de fonctionner et comment ils vont apprendre ensuite à vivre ensemble et à utiliser les jouets différemment. Tout l'arc du personnage, c'est comment devenir ta propre personne dans un monde où tout est construit et figé en permanence. Et même les choix des sets, il y a plein de trucs qu'ils auraient pu utiliser. Ils ont même fait une blague dans le premier Lego où ils disent alors il existe tel et tel monde, et tel et tel monde, et tel et tel monde, et d'autres qu'on ne retiendra pas parce que c'est les Bionicles. Voilà, j'ai trouvé ça particulièrement méchant d'ailleurs parce que moi je voulais les voir, les Bionicles. Mais moi c'est marrant, j'ai pas du tout été touché comme toi. Je veux dire, le père avec ton fils, pour moi c'était genre ah, mais regarde, c'est pas grave si tu es adulte, tu peux quand même acheter des Lego parce que j'ai super mal pris la morale. La morale, je l'ai vraiment mal pris, mais j'ai vraiment l'impression qu'on m'a coupé, James. Excuse-moi, parce que tu parlais de cette morale de fin de Lego la grande aventure, je l'ai vraiment mal pris en mode ah ouais, t'es collectionneur, donc parce que moi je joue pas avec mes Lego, je les monte et j'ai plein de Lego. En je même les temps, monte, t'as pas d'enfant. Je les touche pas, et oui, mais même si j'avais un enfant, il toucherait pas mes Lego. C'est des collections. Et j'ai eu l'impression qu'il me disait ah, mais t'as pas le droit d'être collectionneur, t'as pas le droit de. Non, la morale était pas là-dessus. Mais moi j'ai trouvé juste qu'il disait juste, enfin, il justifiait genre tu peux acheter des Lego, tu peux dire que c'est pour ton gosse, pour jouer avec lui, tu vois. Enfin, moi j'ai pas du tout été touché par ça. Alors après, comme tu dis, toi tu parles d'imagination, de choses comme ça, mais moi ça m'a vraiment passé au-dessus. Alors est-ce que, comme on en avait parlé, ça vient du doublage VF qui m'a vraiment fait sortir parce qu'il était pas très bon? C'est est-ce vrai que le doublage faut que j'essaie de le revoir en VF. Ah oui, regarde-le encore. Ouais, parce que là, franchement, avoir zappé cette partie-là du film, ça me surprend même. Parce que c'était extrêmement évident. Le fait qu'ils aient choisi de prendre un dictateur qui s'appelle Lord Business, c'est pas anodin. Le fait d'avoir choisi l'histoire du père qui utilise ses jouets mais qui joue pas avec, c'est pas juste de dire t'es un collectionneur donc tu devrais pas en être un, tu devrais laisser tes enfants jouer. Au contraire, ça finit avec le père qui découvre qu'il y a moyen de faire autre chose que de simplement les laisser tenir. Oui, mais donc ça veut pas dire. Attends, laisse-moi finir. Snyder, elle a pas le droit de... Laisse-le finir, c'est intéressant. James. Ouais. Ça ne veut pas nécessairement dire que le simple fait que tu les fasses tenir sur ton étagère sans jamais jouer avec est mal. Ça veut dire qu'il y a d'autres moyens de faire. Là, en l'occurrence, ce qui était mal chez ce personnage, c'était pas qu'il fasse, qu'il colle ses jouets en soi, c'était toute sa mentalité extrêmement restrictive qu'il appliquait même à sa famille. Là, il y a une raison pour que le gamin réagisse comme il réagit quand il découvre que son père est le trou en train de jouer avec les jouets. C'est que le père est devenu une espèce de dictateur. En fait, voilà. C'est ça, il est devenu un dictateur. Surtout son hobby exactement. Avec le petit, il a l'air frustré tout voilà. le film. Hein. La raison pour laquelle le méchant du film et le père du gamin qui contrôle l'univers entier sont la même personne. T'es en train de spoiler les gros lagons. Le film est sorti il y a deux ans. Mais donc oui, la raison pour laquelle le méchant dans le film est un dictateur et que, le créateur de l'univers est un petit garçon qui lui a donné l'image de son père, c'est parce que c'est comme ça qu'il le voit. Il y a toute une réflexion là-dessus aussi. Non mais ça, je l'ai compris, mais je trouve que le message, pour moi, n'est pas assez bien ressorti. Mais après, je vais le revoir en VO, je vous redonnerai un avis quand je l'aurai revu en VO si ça agit. Mais c'est vrai que je suis vraiment pas... Enfin, ça m'a pas touché. Par contre, sur Lego Batman, pour recentrer le truc, c'est vrai que j'ai réussi à oublier ce côté-là parce que ça m'a fait beaucoup rire et que ça m'a changé les idées, que c'est super divertissant et qu'il y avait pas mal de bonnes idées, notamment sur la relation Batman et Joker. Alors, sans spoiler, je dirais juste que c'est d'une façon un peu novatrice de la voir. C'est un nouveau point de vue. Hein. Et je trouvais ça pas mal, en fait. Mais m'étonne que ça n'ait pas été fait avant. J'ai une question. Est-ce que pour vous, c'est des personnages... Le Batman, Will Arnett, vous le voyez comme un vrai Batman Oui, pourquoi pas. Ouais. Il a pas moins sa place que ceux des séries animées. Ah, hein. Ça, c'est sûr. Oui, mais ouais, mais il est pas caractérisé comme Batman l'est normalement. Et alors ? Il a pas du tout le... C'est pas grave. Il est pas moins valable que les autres. Il est différent, mais ça veut pas forcément c'est dire qu'il est différent. C'est l'interprétation du même personnage. Ouais, voilà. Tu retrouves les points de Batman, c'est-à-dire le côté je souffre parce que ma famille elle est morue, j'aime personne, je veux rester tout seul, je me la pète.com, tu le retrouves aussi quoi. Enfin, oui, mais Batman c'est pas quelqu'un de narcissique et de. Pourquoi pas, solitaire que ça, c'est le seul. Il force le trait juste un peu, mais c'est pas parce que c'est une comédie que ça reste pas Batman quand même. Tous les personnages de ce film, c'est comme prendre une table avec tous les boutons de ta bande son et tu montes tout à 1000. Voilà, toutes les personnalités sont comme ça. Elles sont toutes montées à 1000 et ça marche extrêmement bien. Et c'est ça le style, justement, parodique. Dick Grayson, par exemple, il est pas du tout comme ça. C'est pas du tout son personnage. Mais oui, mais là, c'est un fanboy, là. Il est génial. Moi, je l'ai trouvé très adorable. Il est super attachant. Ouais, c'est ça, ils arrivent à détourner ce qu'on sait de lui, plus ce que la pop culture dit de lui. Avec le ils ont juste pris le truc, c'est un orphelin, et voilà, c'est presque tout. Oui, mais c'est un orphelin très mignon. T'as envie de lui faire des câlins. Comme le Joker. Mais Dick Grayson, il est pas comme. Ouais, non. C'est vrai que je savais que c'était Dick Grayson, mais je retrouvais pas son personnage dans les bandes annonces, par exemple. J'aurais préféré que ce soit un autre personnage qui s'appelle pas Dick Grayson, que ce soit un autre Robin. Perso, ça me dérange pas. Qui c'est, Damien? Non, bah non, pas Damien du coup. Parce que ça aurait été drôle, un enfant diabolique. Oui, ça aurait été marrant de mettre Damien à la place. Tu vois, genre, tu fais un truc avec Damien la malédiction, tu sais. Je sais pas si vous la connaissez, ce film. Perso, j'aurais bien aimé, ouais. Un Damien en méchant, ça aurait été drôle. Mais c'est comme dans South Park, justement, quand il... Bon, je dis pas que ça me gêne, mais c'est... Ouais, non, ça me gêne pas, parce que le film est cool, quand même. Mais pour moi, c'est pas un film Batman. Enfin, c'est quand même plus un film Batman, par exemple, que le film de 1966 où Batman et Robin, tu vois. Et du coup, est-ce qu'il a marché, le film? Est-ce que t'as acheté quelque chose en Lego Batman? Bah, j'ai acheté les Lego minifigures, donc oui... Voilà. Perso, c'est tout ce qui compte. J'ai des vues sur le set du. Alors, je sais pas trop ce que c'est censé être comme animal, mais ça. Dis-moi, je les connais normalement. Il a son, il y a son véhicule qui se transforme en une espèce scuttler, d'énorme. Hein. Voilà, scuttler. Et du coup, je le veux, ce truc. Il est pas mal. Il y a Poison Ivy avec. Je crois qu'il y a joué. Mais d'ailleurs, les designs qu'ils ont fait pour les méchants, parce qu'il y a plein de méchants différents, genre. Il y a le Two-Face qui a une gueule qui fout un peu. C'est Billy Lee Williams en plus. Oui, c'est Billy Lee Williams, il est génial. Et c'est génial parce que justement, dans les films de Burton, il faisait le rôle. Il reprend son rôle de Burton. J'ai trouvé ça super. Mais il y a plein de petits hommages comme ça. Il y a un truc qui m'a gêné, qui aurait été parent, parce qu'il y a Ralph Fiennes dans le film. Oui. Ça sent spoiler, ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, il y a Ralph Fiennes dans le film. Qui est très bien en Alfred. Qui fait Alfred, mais qui pourrait jouer un autre personnage et qu'il le fait absolument. Pas. Tais-toi. Et c'est dommage. Tais-toi, excusez-moi. Petit garçon. Tais-toi. Mais après, j'ai bien aimé justement la relation entre Batman et Robin. Ouais, on a vraiment là ce côté père-fils. Enfin, c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est même mieux fait que dans certains films. Donc, je me pousse parce que. Ta gueule. Tu vois. Et moi, j'aimerais bien souligner le. Je sais pas qui double Bane. mais il a pris la voix de Tom Hardy. Ça, c'était bien. Et ça, pour moi, valait tout l'or du monde. Hein. C'était parfait. Je sais plus qui c'est, mais c'est pas Tom Hardy. Pas suffisamment de dialogue à mon goût. Il lui en fallait beaucoup plus. Apparemment, VF, il a une voix super aiguë. À force de rire, c'était waouh. Ah, mais j'ai trop ri, quoi. Tous les méchants, c'était juste trop. Il y a une scène qui est géniale avec Croc. Qui en plus c'est un petit, à mon avis c'est un petit clin d'œil à Suicide Squad. Pas de spoil. Mais c'est pas un spoil. Si c'est une blague. Si c'est un spoil d'une blague, c'est moins drôle. Si tu racontes une blague, elle est pourrie pour les gens qui. Donc en fait, j'ai spoilé. Je pensais que c'était une référence aussi. Hein. Je voulais faire pour un petit tambouille pour la vidéo qu'on a faite sur l'Amical du Geek. Je voulais refaire l'intro en faisant pour une vidéo. Ah non, c'est du spoil. Et elle a pas voulu que je le fasse parce que soi-disant c'était du spoil. Tu vois. Mais tout le film c'est des blagues du début à la fin. Même les génériques ont des blagues. Mais tout. C'est en fait, faut que je le revoie. C'est difficile. Ah, tu vois, fait, je t'avais dit. Demain, il est en VO à 19h15. Peut-être, on verra. Sinon, au niveau des persos, j'ai bien aimé Barbara Gordon aussi. C'est vraiment. Rosa Roderson est un super perso bien badass et tout. Enfin, j'ai trouvé super drôle aussi. Et puis, ça fonctionne bien avec les deux autres persos. Puis, Alfred aussi qui était très bien. Je sais pas, vous, au niveau des persos. Moi, Alfred, c'est mon préféré. Ouais. Il était fabuleux. Il était inattendu aussi. Ah ouais, surtout. Ouais. Surtout pour avoir autant de place en fait. Ouais. Parce que généralement il reste cantonné à la Batcave alors que là ils l'ont fait sortir et tout. On le voit dans les bandes annonces de toute façon. Je sais pas là, si c'est un truc qui se passe plus dans les comics ça parce que je suis pas un grand connaisseur de comics mais. Ben, franchement de ce que j'ai lu généralement il sort pas des masses. Ça dépend, c'est des bandes des runs. Ce qui se passe c'est vraiment assez. Ça arrive qu'il sorte. Mais c'est la première fois que je le vois pour faire costume. Mais après c'est un ancien des services secrets. Hein. C'est une personnage aussi quand même. C'est une personnage mais qui pète des gueules. Tu vois, ils ont essayé de faire un peu ce qu'ils avaient fait avec la version Jeremy Irons, mais un peu plus poussé. Et je trouve que ça serait pas mal d'avoir ça dans les films, tu vois. On ne sait pas tout le sujet, mais le Alfred Jeremy Irons, c'est vraiment un super Alfred. Quoique Michael Caine, qui est quand même un très bon acteur, t'es pas mal. C'est les deux que j'aime bien. Les autres, le mec mec de Burton, je l'aime pas du tout. Non, mais après, c'est le même qui a fait de Burton jusqu'à Batman et Robin. Oui, je sais. Il est mort, pas cher. C'est pas pour ça qu'il a fait. Du coup, on peut-être peut parler. Est-ce que vous parlez un peu, t'en as parlé un peu tout à l'heure, de l'animation? Est-ce que t'as d'autres trucs à dire sur l'animation? En termes visuels en général, en fait, c'est assez extraordinaire la manière dont ils ont réussi à gérer les couleurs. Parce qu'il y a Je te coupe 30 secondes, c'est parce que j'ai l'info. Bane, c'est Doug Benson qui fait le rôle. Voilà. Ok. Ouais, donc, visuellement, ce film est magnifique. Chacun des décors est juste sublime. Ils ont une gestion des couleurs, en particulier dans les tons des oranges et des jaunes. C'est juste génial. Ils ont des c'est limite un cliché, mais le contraste entre le bleu et le orange, il est connu de pas mal de gens comme étant un truc limite risible, parce que il fonctionne tellement bien qu'il est utilisé partout. Mais là, ça fonctionne extrêmement bien. La fluidité de l'animation est sublime aussi, et je suis extrêmement impressionné de ce qu'ils arrivent à faire avec des figurines qui techniquement niveau articulation, il n'y a pas franchement de grosses possibilités. Du coup, ils ont pris des petites libertés. Hein. Ouais, ils ont pris des petits raccourcis. Il y a des moments où les bras ou les jambes vont s'allonger ou alors sortir de leur axe de rotation normal. Ouais. Et il y avait ça aussi. Il y a plein de petits. C'est un peu comme le premier, il y a plein de petits jeux. Comment dire, la physique n'existe pas dans cet univers. Et du coup, quand ils enlèvent leurs vêtements, ils enlèvent leur corps en fait et ils le remplacent avec un autre corps. Ouais, on le voit dans la bande-annonce sur les cheveux de Bruce Wayne. C'est génial. Ah oui, qui reviennent, ouais, c'est génial, c'est ouf. Bonne vanne. Mais en fait, il y a plein de petites idées comme ça qui sont vraiment très très bien. Et ils ont vraiment pris en compte le fait que c'est un monde de jouets en fait. Ils interagissent avec leur univers et entre eux comme des jouets. Et ils ont réussi justement à garder cet effet parce que ça pourrait rapidement devenir extrêmement étrange de voir des gens enlever leur chapeau et mettre des cheveux à la place. Mais ça marche super bien parce que je pense que ça doit avoir avec le fait que déjà ça arrive très très vite et aussi parce que pour eux c'est normal en fait. Et c'est cette règle justement que même dans un univers aussi fantaisiste que possible, du moment qu'il y a une logique interne, tu t'en rends pas compte des choses bizarres parce que pour eux c'est normal et pour toi aussi. C'est intégré complètement. Voilà. Puis même les fringues, quand ils enlèvent, quand à un moment on le voit dans la balance, Robin qui enlève son pantalon et en fait ça refait comme s'il sortait une pièce de lui-même en fait. Ouais. Et puis même par rapport au scénario, c'est-à-dire que l'univers lui-même sert de résolution au problème que pose le scénario sur la fin. C'est quand même assez cool, sans spoiler, je pense que... Et ils ont un autre truc aussi, qui à mon avis va être la meilleure plus-value possible, parce que je sais que je suis le genre à analyser les images comme un dingue chaque fois que je vois un film, et rapidement je deviens quand je revois un film plusieurs fois, je m'ennuie très vite. Les Gardiens de la Galaxie, par exemple, c'est un truc qui me fait un peu peur. Parce que le premier, j'ai de plus en plus de mal à le voir. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu connais les blagues, visuellement, tu connais les décors. Et le film devient de plus en plus plat parce qu'à chaque fois, tu sais à quoi t'attendre. Là, pour le coup, ils ont vraiment joué la carte du « on a... » des millions de figurines possibles et imaginables. Ah oui, oui. Et c'est un peu comme Zootopia. Il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Et c'est encore pire que Zootopia à ce niveau-là. Chacune des scènes où il y a beaucoup de personnages à l'écran, chacun d'entre eux fait un truc différent. Et chaque fois que tu verras le film, tu te rendras compte qu'il y a un truc que tu n'avais pas remarqué. Chacun d'entre eux est drôle, surtout. Ouais, ouais. Tu l'as vu en 3D ou en 2D? En 3D. Je l'ai vu en 3D aussi. Et le fait de porter les lunettes qui assombrissent un petit peu la lumière de l'écran, je pense que j'ai raté beaucoup de choses en arrière-plan que j'aurais pu voir et que j'apprécierais plus en Blu-ray. Mais on l'a vu en IMAX, vraiment, du coup on a pas trop, y a pas vraiment en profiter, parce que c'est vraiment un film, à mon avis, qui, en le revoyant, même si on connaît l'histoire, il y a toujours des petits gags par-ci par-là, et en plus ça va super vite, donc il y a des moments où je sens qu'il y en a certains qui vont vouloir me faire pause juste pour pouvoir regarder tous les trucs. Pour pas leur faire trop de pub, cette semaine il est en IMAX et je pense que si vous avez l'occasion de le voir en IMAX, c'est vraiment une plus-value cool, parce que on n'avait vu aucun film d'animation en IMAX et ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment génial. Si, moi j'avais vu Dragon en IMAX. Ah, t'avais vu Dragon, ah oui, effectivement. Et c'est vrai que ça apportait vraiment un plus. Ouais, et il y a pas beaucoup de films où vraiment, y a les Star Wars où vraiment c'était génial. Enfin, je pense que si vous payez pour l'IMAX, il faut vraiment. Comment dire, puis surtout pour les gosses de vraiment voir tout cet univers, c'est pop, c'est coloré, c'est franchement c'est chewing-gum, en fait, je sais pas comment le dire autrement. Non, mais je veux dire, il faut réfléchir, parce qu'il y a des trucs où ça vaut pas trop le coup. Ouais, genre, mais là je pense que ça valait pas le coup de le voir en IMAX. Ça valait pas le coup de le voir tout court. Non, il est vachement bien. Il y a Chris Pratt, donc forcément. je réfléchis à un autre film qu'on a vu en IMAX, Star Trek. Star Trek, ça passait l'IMAX. C'est le reste qu'elle est pas. Choisissez bien les films que vous allez voir en IMAX, et celui-là, il faut vraiment aller le voir parce que ça vaut le coup. C'est assez cool. J'aimerais bien rajouter quand même qu'aux États-Unis, au box-office, il fait mieux que Fifty Shades Darker. Ouais, j'ai vu ça. C'est très bien. Par contre, en France, je crois qu'il s'est fait battre. Pour les gens qui aiment Fifty Shades, regardez pas. Sachez que, bon, petit spoil pour les gens qui ne sauraient pas, on a fait une vidéo avec Valentin Breuret du Cinéma par un cinéphile, la chaîne YouTube. En fait, il nous a demandé de faire une collab avec lui sur ce film. Donc, on est allé voir le film exprès pour lui. Et on a fait une vidéo dessus. Donc, on vous la mettra sur le Facebook. On va la partager. Et d'ailleurs, comme on parle Facebook, je vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner une pochette avec plusieurs minifigs Lego. La question à répondre, c'est qui interprète en VO Emmett dans Lego La Grande Aventure. Vous m'envoyez ça sur contact@comicsdiscovery.fr ou via les réseaux sociaux. Si tant que c'est un message, voilà. Vous répondez à ça, et la semaine prochaine on fera un tirage au sort et vous gagnerez peut-être une pochette avec plein de Lego. Il est en train de décéder devant son bureau. Je propose de faire une petite pause musicale avant d'aborder une question. On va faire une conclusion et après on va. Parce que tu voulais pas faire une petite. Si tu veux. C'est encore une chanson tirée du film. Une chanson très très cool. Donc voilà. I'm texting you. Hey Robin, it's 7:30. Well, that's okay, I'm ready to fight crime. You, the Dark Knight, I'll be sleeping past two. And sometimes light, boom, pow, bang, but we always make cover. Hey man, I'm sorry, it's okay. We're not related, but here's good news. Friends are the family you can choose. Come on, everyone. High five down low to the side, let's go. You're my best friend, my best friend. And friends are family. You're my best friend, my best friend. And friends are family. Cause you're my family. Come on, everybody, let's sing. Come on, baby. No. You're my best friend, my best friend. And friends are family. Best friend. My friends are the best. Woo. Best friend. My friends are the best. My friends are the best. I got a utility belt. Uh-huh. sparkly cave. So cute. Saw the signal, so I'm headed back to the cave. Well, I'm all smiles. Don't be afraid. We'll always bet on black, that's a fact. Come on, Robin, watch my back. Okay. I don't think that you were happy till I met you. I know you're playing, buddy, we can't lose. Cause friends are the family you can choose. Hey, Robin, give me the mic, drop the beat. Think you can handle that? Yeah, we're friends, but I'm still hardcore. Just as awesome as I was before. In the darkness, I am brooding. You're adorably intruding. But I don't mind, I'm not irate. Because we both agree I'm great. Tortured soul, darker soul. But guess who's got the title role? Now's his time to be the star. Let Alfred loose on his guitar. Et ça y est, on est de retour. Donc c'était Friends Are Family, je crois, tiré de Lego Batman, le film. Vous êtes toujours sur Comics Discovery, c'est l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux des comics. Et ce mois-ci, cette semaine, c'était plus du cinéma, puisque Batman, Lego Batman, tout ça, voilà. Vous êtes toujours sur le 102.2, sur Radio Campus Montpellier, et sur Internet, pour les gens qui ne seraient pas sur Montpellier. www.comicsdiscovery.fr. Et on enchaîne avec une petite conclusion, c'est toujours sur Lego Batman. On va faire un petit tour de table, vite fait, si on a encore 2-3 mots à dire. Votre avis sur le si vous le conseillez. Et est-ce que pour vous c'est la solution pour Warner, les films, est-ce que l'animation va sauver le DC-verse selon vous? Et on va commencer par notre avis, et Johnny n'aura pas l'air de répondre à la question puisqu'il est en train de dire non de la tête en mode. Ah, mais de toute façon je suis d'accord avec lui. Pas non, je secoue la tête sur la musique. D'accord. Ça, vas-y, de me censurer. Ben pour moi, tu sais, j'aime pas beaucoup les films DC, donc ils peuvent faire des films Lego tant qu'ils veulent. Tu seras là pour payer ta place. Ouais, les films Lego, oui. Les films DC en tant que live action, non. D'accord. Très peu pour moi. Est-ce que tu conseilles le film? Alors, j'y suis allé avec ma copine qui est pas forcément une experte en Batman. Ouais. Et malgré toutes les blagues méta, elle a beaucoup aimé. Donc oui, je conseille le film aux enfants, aux parents, aux adultes, aux ceux qui collectionnent les Lego, aux ceux qui les collectionnent pas. Et ceux qui aiment pas les Lego. Il y a des gens qui aiment pas les Lego. Ouais, il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui aiment les Mega Blocks. Ouais, il y a des gens qui aiment les Mega Blocks. De moi ou quoi? Non, à tout le monde. C'est des gens. Il y a même des gens qui aiment les Playmobil. Mais tu verras quand on aura des films Mega Blocks Marvel. Sûrement. Johnny, alors est-ce que tu aimes les méga blocs? Je sais même pas si j'en ai déjà eu d'ailleurs. Non, mon niveau Lego, mes bébés, c'est des Bionicle. alors attends voir. Je recommande vachement ce film, mais genre vraiment beaucoup. Et ce peu importe l'âge et le sexe et l'orientation sexuelle et l'origine et ce que vous voulez. Si vous êtes en humain, allez voir ce film. Alors tu es raciste envers les extraterrestres qui n'auraient pas le droit de voir ce film. Ah, ils peuvent venir aussi, il y a pas de souci. Si se montrent, ils peuvent y aller. Mais après savoir si c'est la solution, je dirais non. Parce que déjà financièrement, les films d'animation ont tendance à ramener moins d'argent, donc c'est pas une solution viable pour eux en tant que compagnie. Et après, au niveau créatif, j'aurais envie de dire oui, parce que les films Lego sont quand même vachement mieux faits. Et mon souci après, c'est que c'est le concept de tirer sur la corde. Là par exemple, ils ont annoncé Ninjago, et je sais pas si c'est vraiment utile de faire un Ninjago. Mais Ninjago, après, c'est très enfant, non? Oui, non, mais c'est pas une question de est-ce qu'il y a des gens pour le voir ou pas. Là, je parle purement de niveau créatif, qualité, si tu veux. Et je sais pas trop si c'est vraiment utile de faire une adaptation de toutes les franchises possibles. Mais Ninjago, ça va être tiré de la série en fait. Ça va être une suite de la série. C'est la suite logique, je pense, de la série. Je la connais pas, la série. Non, non, ils refont le truc en fait. Ils ont rebooté la série en film. Et oui, donc je sais pas si c'est vraiment utile de réutiliser chacune des franchises qu'ils ont. Moi, je pensais que ce soit le même public. James, hein. S'il te plaît. Excuse-moi. À ce rythme-là, on est parti pour du Lego. Quoique Lego Star Wars, ça m'étonnerait parce qu'il y a les films en même temps. Ouais, chez ils Disney. Peuvent pas non plus manger. Voilà, ils ont pas, par exemple, on n'a pas vu de personnage de Marvel dans le film Batman. Donc voilà. Mais ils pourraient faire, je sais pas, un Lego Doctor Who ou un Lego Harry Potter ou on va savoir quoi d'autre. Ils pourraient, tu vois, mais je sais pas si c'est vraiment utile. Non, j'ai l'impression qu'ils font quand même au compte-goutte les films Lego. Ce serait mieux, je pense. Moi, je doute que le Lego Ninjago, ça soit le même public que Lego Batman et Lego La Grande Aventure. Je pense que ce sera vraiment un truc pour les fans de Ninjago et pour les enfants en fait. Je pense pas qu'ils vont le teaser comme la suite logique de Lego Batman et Lego des Grandes Aventures. Contrairement à Lego Batman et Lego des Grandes Aventures. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, si. Oui. Donc voilà. Faye, vas-y, enchaîne. Ouais, alors je conseille fortement le film pour toute la famille, que vous soyez fan de pop culture, fan de Batman, enfant qui avait envie de voir un film de Lego. Enfin, ça fonctionne très bien, ça divertit bien, et puis ça fait du bien un peu de se vider la tête, de rigoler un bon coup. Après, bah voilà, je suis pas non plus super fan de l'idée qu'on ait Lego à la plage, Lego Martin, Lego tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, je pense que ça va vraiment faire trop pub et on va revenir au problème que j'ai eu sur le premier film. Donc ça serait dommage. Après, est-ce que c'est l'avenir d'ici ? C'est quand même triste de voir que ça fonctionne mieux quand même en animation qu'en film. Donc peut-être qu'ils devraient se poser des questions. Ça a toujours été le cas pourtant. Ouais, mais justement, ils se sont toujours pas remis en question, tu vois. Comme quoi, ils ont un problème. Enfin bon, voilà, mais sinon, allez voir le film, ça fait du bien. Moi je vais conclure sur ça. Non, ce n'est pas la solution, puisque moi je vais continuer à défendre jusqu'au bout, pas Suicide Squad, mais Team. Moi, Batman me hype, Wonder Woman me hype beaucoup, donc oui. Je sais pas comment il fait non plus. Ouais, c'est dur. Vous êtes des mauvaises langues, c'est abusé. T'es un résistant. Je suis avec toi, Warner. même si tu démonétises mes vidéos. Comme un enfoiré, mais bon, c'est pas grave. Donc je le conseille à tout le monde. Enfin, peut-être pas à toute la famille. Enfin, si vous êtes un peu amateur de Lego, si vous aimez Lego La Grande Aventure, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment cool. Non, les yeux ouverts, les yeux ouverts. Oui, pour bien tout voir. Ouais, j'ai adoré le film. Je le conseille fortement. Bah, comme je disais dans la vidéo, vous voulez vraiment avoir mon avis, allez voir la vidéo sur l'amical du geek. Je me fais de la pub à mort, mais on en a besoin. Donc un peu de pub, ça fait pas de mal. On va conclure sur ça. Est-ce que on va faire une petite attente, petite coup de cœur? Non, pas du tout. Qui a une attente, qui a un coup de cœur? Une attente, non, mais un coup de cœur. Moi, je conseille aux gens d'aller voir le film de Martin Scorsese, Silence, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séances, et le film vaut le coup, et il est très intéressant. Il y a une maîtrise technique qui est hallucinante, un travail sur le son qui est fou, un scénario qui est intelligent et subtil, un casting magnifique, et je vous le conseille, et c'est vraiment dommage que les salles soient vides et qu'il n'y ait pas beaucoup de séances, et voilà, c'est une honte. Si vous aimez Scorsese, et si vous aimez un peu le cinéma, allez-y les yeux fermés. Parce que c'est vraiment. Non, ouvert, on t'a dit, sinon on le voit pas. Bah, allez-y, parce que c'est vraiment bien. Par contre, je sais pas si je le conseillerais à tout le monde, parce qu'il est vraiment long. Il faut vraiment aimer. Puis c'est assez violent quand même. Ouais, c'est assez violent. Ouais. C'est assez. C'est pas pour les enfants. C'est graphique, assez violent. C'est pas pour les enfants. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'est l'histoire de deux prêtres qui vont au Japon pendant l'ère Edo, donc pendant le Moyen-Âge, Renaissance, par là. Non. C'est le 19e siècle en fait, je crois. Bon, bref. En tout cas, ils y vont parce qu'ils veulent partir à la recherche d'un prêtre qui les a initiés à la prêtrise, oui. Qui a disparu. Il y a des bruits qui courent sur lui et donc ils veulent savoir ce qui se passe. C'est vraiment que le Japon a les frontières qui sont fermées et où les chrétiens sont persécutés en fait. Et donc ils doivent se cacher parce que sinon ils vont se faire buter. Bon, raconte pas tout ça. Donc c'est un très très beau film. Moi j'ai un autre coup de cœur. On a parlé de Lego Batman et qui fait le rôle principal de Lego Batman, c'est Will Arnett. Et si vous avez aimé Lego Batman et vous avez aimé Will Arnett, allez voir AC Développement, qui est une des meilleures sitcoms que j'ai jamais vues de ma vie, où il tient un des rôles principaux. Ça parle d'une famille qui s'appelle Bloof, qui sont assez riches, assez aisés, parce qu'ils ont une compagnie à eux. Et à un moment, dans le pilote, le père va partir en prison et c'est un des fils qui va devoir essayer de gérer tout ça. Et en fait, on se rend compte que tous les personnages sont complètement barré, et dont le personnage de Will Arnett, qui joue une espèce de magicien complètement raté et complètement con, et c'est très très très drôle. Allez, c'est une série produite par Ron Howard, qui fait aussi la voix du narrateur d'ailleurs. Oui, et je crois que c'est un des meilleurs trucs qu'a fait Ron Howard de toute sa carrière. Il y a Willow quand même aussi. Il y a ça et Willow. Restez Développement, c'est vraiment génial. Vous pouvez y aller, c'est vraiment très très très cool. C'est sur Netflix pour les gens qui l'auraient pas vu. Will Arnett qui fait aussi la voix de Bojack Horseman. Ouais. Qui fait la voix. Et Bojack Horseman aussi, c'est vraiment ça, très, très c'est cool. Pas rien quand même. Ouais, mais je pense qu'il est meilleur dans. Alors j'ai pas vu. Il est meilleur dans Astérix et Lupin que dans Bojack Horseman. Ouais. Même si Bojack Horseman est une très très belle série qui m'a fait pleurer. Ah oui. De toutes les larmes de mon corps à la fin. Donc voilà. Est-ce que vous avez un coup de cœur, Julien? Est-ce que tu as un petit coup de cœur? Ouais. Avant ça, j'ai quelqu'un qui me dit qu'apparemment il y a eu une erreur. L'air Edo au Japon, c'est du 16e au 17e. Ah tu vois, c'est ce que je te disais que c'était. Dis n'importe quoi. Alors excusez-moi. Oui, donc, et d'ailleurs, mon coup de cœur attente est plus ou moins de loin lié au Japon, justement. Alors, il y a une série qui est sortie au début des années 2000 qui s'appelait Samurai Jack. Ah, ah oui. Voilà, et Samurai Jack, c'est le meilleur cartoon que j'ai jamais vu de ma vie. La cinématographie est fabuleuse, le personnage principal est extraordinaire, le méchant est juste génial. Et la série n'avait jamais eu de fin. Et le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'à l'époque médiévale au Japon, il y a un démon, Aku, qui est libéré de sa prison millénaire et qui prend le contrôle du monde. Et il y a un héros, un petit garçon, le chef, le fils du chef, le fils du shogun, qui est entraîné un peu partout sur la planète pour devenir le héros qui doit libérer le monde de l'emprise de Aku. Le problème, c'est que Aku l'envoie plusieurs millénaires dans le futur, entouré de robots, de mutants et autres créatures comme ça. Et le but de l'histoire, c'est qu'à chaque épisode, il essaie de trouver le moyen de retourner dans le passé pour détruire le démon. La série est donc fabuleuse et elle a jamais eu de fin. Et là, la bande-annonce de la troisième et de la cinquième et dernière saison est sortie la semaine dernière. La série commence aux États-Unis le 11 mars. Et ça a l'air aussi extraordinaire qu'avant, c'est le même créateur qui est revenu sur le projet et je suis extrêmement pressé. Genre, une fois que j'aurai vu ça, je pourrais mourir et me dire que j'ai fini, j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire. Ok, Marc. Ouais, bah écoute, avant la fin du mois, je pense que je serais très content d'aller voir Trainspotting 2. Oui. Fan, très fan du 1, je suis très fan. Moi j'aime beaucoup Danny Boyle, mais le film me vend pas trop du rêve, je sais pas pourquoi. Ah si, t'as envie de savoir ce qu'ils sont devenus. De toute façon, Robert Carlyle, depuis qu'il était dans Once Upon a Time, sa carrière est morte. C'est parti. Ah, mais bon. Mais ils lui ont pompé son énergie. Mais ils lui ont pompé son énergie d'acteur. C'est pas grave, je veux savoir s'ils prennent toujours de l'héroïne. Ah, okay, bah ça expliquerait tout. Pas, la petite attente. On va nous se quitter sur ça. Et on va finir avec une chanson. D'ailleurs, on remercie d'ailleurs beaucoup Tom à la technique. Est-ce que Tom, tu peux envoyer la chanson qui va être un teaser pour la semaine prochaine. Oh boy. On va vous parler. Vous allez comprendre quand vous allez entendre la chanson. Je sais laquelle c'est. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur comicsdiscovery.fr. En tant que fan des tortues, je me sens insulté. Je m'en vais. Ah, tu te rappelles cette merveilleuse scène dans le Tortue 2. Il y a toujours le concours si vous voulez gagner donc une pochette avec plein de minifigs. Pour gagner cette pochette, vous répondez à la question qui joue Emmett dans Lego La Grande Aventure, donc le rôle principal, et d'avoir la musique derrière. Un indice, ce n'est pas Vanilla Ice. Ce n'est pas Vanilla Ice. Qui a fait un film aussi, mais bon, c'est une autre histoire. On en parlera peut-être un autre jour. Et donc vous avez ça sur Comics Discovery, contact@comicsdiscovery.fr. Moi je vous dis à la semaine prochaine, on vous parlera, vous l'aurez peut-être compris si vous êtes un peu cinéphile, de Tortue Ninja. On reviendra sur les Tortues Ninja. Et pendant que Johnny se facepalm à mort. Bon bah allez, on va finir sur ça. C'est la pire conclusion de. Mais attends, il y a un remix de la chanson, je crois, pour la nouvelle version de Michael Bay de celle-là. Ah ouais, oh putain, mon dieu. Ah, soir, ouais. Si, je l'ai vu sur YouTube. On parlera des films Ninja Turtles. On pourra en cracher notre haine de ces films tant qu'on peut. On va vous laisser sur ça. Allez, à la prochaine, bye. Go ninja, go. Villains, you better run and hide, because one day you might not slide. So choose your weapon, don't slip. Vanilla's in control with effective a mic grip. Rocking the crowd the way it should be rocked, with a Miami drop that's like a lot. You know it's hidden like a ninja turtle. When the bass kicks in, you better check the level. The power of a ninja is strong, fighting all creeps until they're all gone.